Welcome to Ash Dargan's Didgeridoo Made Easy, a beginner's guide. Toutes les leçons présentes sur ce CD, réalisé par Ash Dargan, sont regroupées en 8 chapitres. Elles vous permettront d'obtenir une base solide dans la pratique du didgeridoo et d'acquérir une bonne technique pour devenir un joueur de niveau intermédiaire. Nous vous suggérons de commencer par écouter le CD en entier, en essayant de reproduire les exercices en même temps. Après plusieurs écoutes, vous serez alors à même de déterminer à quel niveau vous êtes et de commencer directement à ce niveau avec les leçons correspondantes. Les leçons démarrent au niveau débutant, puis deviennent de plus en plus sophistiquées. Chaque leçon est répertoriée sur l'index fourni avec le CD. Après l'explication de chaque étape, vous pourrez entendre la mise en pratique sonore de l'exercice que vous serez à même de jouer à votre tour. Prêt ?